100 000 francs de dot. C'est décidément une charmante personne que Mademoiselle Mélanie Beuvelet. 18 ans, des cheveux noirs et soyeux, un front intelligent, des yeux expressifs et le plus heureux caractère, autant qu'il m'a été permis d'en juger pendant quelques heures passées rapidement au sein de son estimable famille. Elle danse avec grâce, elle chante avec âme, elle joue du piano, moins bien qu'un artiste, mais beaucoup mieux qu'une écolière. Enfin, ses parents, m'a-t-on dit, lui destinent une dot de 100 000 francs. À coup sûr, une jeune fille douée de tant de qualités éminentes ne peut manquer de faire une femme accomplie. Ainsi pensait le jeune avocat Charles Darbois, encore tout émerveillé de l'accueil flatteur qu'il venait de recevoir dans la famille Beuvelet. Il n'est vraiment pas mal, ce monsieur Darbois. De beaux yeux bleus, une taille bien prise, des manières aimables, 25 ans tout au plus, et une toilette irréprochable. Il est avocat et peut s'élever aussi haut que le voudra son ambition. Il a quelques fortunes, dit mon père, et un cœur plein de générosité. On doit certainement être la plus heureuse des femmes avec un tel mari et 100 000 francs de dot. Ses réflexions étaient celles de Mademoiselle Mélanie Beuvelet, qui passa la nuit à broder sur ce canevas toutes sortes de châteaux en Espagne. Pendant les 6 semaines qui suivirent cette première entrevue, Darbois ne manqua pas un jour de se présenter chez M. Beuvelet. Tantôt il y déjeunait, tantôt il y dînait, le plus souvent il y passait la soirée. À quelques moments qu'il vint, Mélanie était sous les armes, c'est-à-dire qu'elle avait une toilette ravissante, le sourire sur les lèvres, et sur son piano la romance favorite de Darbois. Celui-ci, de son côté, employait tous les instants de sa visite à renchérir sur les expressions de gratitude, d'admiration et d'amour prodiguées déjà dans la visite précédente. Si bien que le jour de la signature du contrat, ils regardèrent tous deux leur bonheur comme un fait accompli. Ils n'avaient du reste oublié qu'une seule chose, c'était de s'entendre préalablement sur la manière dont chacun d'eux comprenait le bonheur. À quoi bon ? Charles est si complaisant et si soumis, pensait Mélanie, qu'il n'aura jamais d'autre désir que les miens, d'autre volonté que la mienne. Où trouver, se disait Darbois, une femme d'un caractère plus égal et d'une plus entière abnégation ? Que sera-ce quand cette abnégation, jusqu'à présent toute volontaire, sera devenue pour Mélanie le plus saint des devoirs ? Le mariage se fit avec tout le luxe que peut déployer en pareille circonstance un père de famille jouissant d'un revenu de 20 000 francs. Remise fut gracieusement faite à la Darbois par Madame Beuvelet, d'une fille resplendissante de satin et de bijoux, et par Monsieur Beuvelet d'un portefeuille en cuir de Russie contenant 100 beaux billets de banque de 1 000 francs. Le nouveau couple alla savourer la lune de miel dans une maison de campagne, appartenant à Monsieur Beuvelet. Ce fut là que, pour la première fois, Charles et Mélanie s'avisèrent un matin de sonder mutuellement leurs intentions au sujet de l'avenir. « Que nous sommes heureux !» venait de s'écrier Charles, qui, depuis le jour de son mariage, avait pris en grande faveur cette exclamation. « Oh oui, bien heureux !» avait répondu Mélanie. « Et nous le serons toujours, n'est-ce pas ?»« Toujours. Le bonheur est si facile avec une femme comme toi, avec un mari qui te ressemble, et avec un plan de conduite en harmonie avec nos goûts. Mais j'y songe, ce plan de conduite dont il est temps de nous occuper, puisque nous allons bientôt retourner à Paris. Veux-tu que nous en disions quelques mots ?»« Comme il te plaira. Nous ne serons pas longtemps à nous mettre d'accord. » Non, sans doute, c'est si simple. Le matin, nous nous levons à 11 heures. C'est bien assez tôt. Puis nous déjeunons bien vite pour nous occuper de notre toilette. À 1 heure, nous sortons ensemble. Bien. Nous faisons quelques visites. Nous entrons dans les magasins en vogue. Nous achetons ce qu'il y a de plus nouveau. Puis nous allons faire une promenade sur les boulevards, aux Tuileries, au Bois de Boulogne. Tout cela nous conduit jusqu'à 5 heures au moins. Rien de mieux. C'est le moment de songer au dîner. Ah, par exemple, point de table ouverte. « Approuvé, je ne connais rien de plus ennuyeux. »« Et tu as bien raison, 5 ou 6 amis et des amis de choix à la bonne heure, jamais davantage. »« Enfin, nous voici arrivés au soir. »« Le soir, les occupations ne nous manquent pas. »« Nous avons le bal, les concerts, les spectacles. »« C'est là ton programme, Mélanie ?»« Je ne vois pas que rien n'y manque. »« Et nous le suivons tous les jours ?»« Il faut bien varier son existence. »« J'avoue qu'il diffère un peu de celui que j'avais rêvé. » Tu adopteras le mien, c'est celui de mon père et de ma mère. Ainsi tu crois que la vie de ton père et de ta mère doit être la nôtre ? Pourquoi pas ? Ma chère Mélanie, permets-moi une seule question. Quel était le revenu de monsieur et de madame Beuvelet ? Je l'ai toujours entendu évaluer à 20 000 francs. Le nôtre s'élève à 10 000, en y comprenant la dot de 100 000 francs que tu m'as apportée. D'où tu conclus ? qu'étant moitié moins riche, il nous est impossible de faire les mêmes dépenses, par conséquent de suivre le même genre de vie. C'est juste. Ce calcul paraît affligé. Dame, être moins bien mariée que je n'étais jeune fille, c'est pénible, j'en conviens. Le tort en est aux parents qui élèvent leur enfant dans toutes les jouissances que peut procurer un capital de 400 000 francs et qui s'imaginent s'être sacrifiés à son bonheur lorsqu'ils lui ont constitué 100 000 francs de dot, le quart de ce qu'il faudrait pour satisfaire au goût qu'ils lui ont donné. Mélanie garda quelques instants le silence. Elle n'était ni assez aveugle pour contester un raisonnement d'une justesse aussi évidente, ni assez philosophe pour prendre sur le champ son parti d'un si cruel mécompte. Cependant, elle aimait son mari, et après quelques instants de réflexion, elle lui dit « Oublie ma folie, Charles, je me soumets à tout ce que tu décideras. » « Et moi, répondit Darbois en l'embrassant, je te promets de faire tous mes efforts pour que tu descendes le moins possible. J'ai une profession honorable et qui, avec le temps, peut me rendre aussi riche que ton père. Le courage ne me manquera point, sois-en sûr. Je ne te demande à toi qu'un peu de patience. » Darbois et sa femme étaient donc dans les meilleures dispositions lorsqu'ils revinrent à Paris. Il se fit inscrire au tableau des avocats et suivit assidûment les audiences. Mélanie s'occupa sérieusement de régler l'intérieur de sa maison de manière à ne point franchir la limite qui sépare le confortable du luxe. C'était bien de rompre avec le luxe et toutes ses exigences, mais ce n'était point assez. Il eût encore fallu que Mélanie rompît avec le monde dans lequel elle avait vécu jusqu'alors. Là était véritablement l'écueil contre lequel devaient se briser ses sages résolutions. Un soir, Mélanie, qui était sortie seule, rentra fort tard. « Ton absence a été longue, cher ami. Sans compter que je me suis ennuyé à mourir, je viens de faire une visite à Fanny du Tillois. C'était, depuis mon mariage et le sien, la première fois que je la revoyais. Et je ne pouvais faire moins que de donner ma soirée à une amie d'enfance. Quelle insupportable personne que cette petite Fanny! Tu m'en avais dit tant de bien. Aujourd'hui qu'elle est femme d'un agent de change, elle n'est pas reconnaissable. Tu ne saurais t'imaginer avec quelle affection elle m'a fait passer en revue toute sa toilette. Elle ne m'a pas fait grâce d'une robe, d'un bijou. Croirais-tu qu'elle m'a tenu en contemplation deux mortelles heures devant un superbe cachemire? Très innocemment, peut-être. Oh que non! Son regard à elle ne quittait point ma pelisse, et il disait une foule de choses que nous comprenons parfaitement, nous autres femmes. À la tournure que prenait la conversation, Charles sentit qu'il allait se trouver amené sur un terrain difficile. Pour un mari prudent, il garda le silence. Mélanie s'enfonça pensive dans son fauteuil. Cependant, l'envie de le parler ne lui manquait pas. Elle essaya même deux ou trois fois de renouer l'entretien par une magnifique description des dessins qui enrichissaient le cachemire de Fanny. Mais Charles ne sortait point de ses retranchements. Et Mélanie, qui se débattait entre le désir et la raison, n'osait se hasarder à l'y forcer par une attaque directe. Seulement, avant de s'endormir, elle dit à demi-voix en soupirant « Fanny est bien heureuse ». Le lendemain, à son réveil, Charles ne reçut d'elle d'autre bonjour que ces deux phrases « Ah, que je déteste Fanny !» La pâleur de Mélanie indiquait qu'elle avait eu une sorte de cauchemar. Le cœur de Charles en fut navré. « Un cachemire, pensa-t-il, n'est pas d'un prix si excessif que je doive me croire obligé à tenir rigueur jusqu'au bout. Ma femme me saura gré du sacrifice que j'aurai fait pour contenter son désir, et elle n'en aura que plus de courage pour résister à des tentations plus compromettantes. » Dans le cours de cette même journée, Charles dépliait avec complaisance sur la causeuse de sa femme un cachemire de très bon goût. Il serait impossible de dire avec quelle effusion Mélanie s'élança au cou de son mari. Quelle tendre caresse elle trouva à lui prodiguer, et de combien de noms charmants elle le baptisa. Ce fut tout le reste du jour une joie folle, une sorte de délire. Le lendemain, elle mit sens dessus dessous ses armoires et ses cartons. Elle fit choix de sa robe la plus nouvelle, de son chapeau le plus élégant. Puis elle s'habilla, se plaça 20 fois entre deux glaces, afin que son regard ne perdît rien du gracieux ensemble de sa toilette, et sortit, l'œil rayonnant, la tête haute, la démarche assurée. Il était aisé de voir qu'elle n'allait point chercher une humiliation. « Elle va chez Mademoiselle du Tillois, se dit Charles en souriant. « Ma foi, elle paraît si heureuse que je ne regrette pas mes 4 000 francs. » Une heure après, Mélanie revint. Elle avait la figure bouleversée. Par un brusque mouvement de colère, elle arracha son châle de ses épaules, le froissa entre ses mains, l'envoya rouler ignominieusement sur le parquet, comme si c'eût été le dernier des chiffons, et se jeta sur sa causeuse, où elle se mit à répandre un torrent de larmes. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda Charles tout interdit. « J'ai, que je ne sortirai plus de la maison, que je ne me montrerai plus nulle part. Mon Dieu, je suis une femme bien malheureuse. Mais encore, que t'est-il arrivé? Est-ce que Madame du Tilloy... Ne me parlez point de Madame du Tilloy. Une coquette, une vaniteuse, une méchante, qui possède des dentelles à remplir cette chambre et des diamants à remuer à la pelle. Charles fit cette fois la sourde oreille. La pente devenait si rapide qu'il n'avait garde de s'y laisser glisser. Mais il comprit que ce premier incident n'était que le prélude d'une lutte incessante et que le bonheur de son ménage devait tôt ou tard y succomber. Chaque jour, c'était pour Mélanie de nouvelles humiliations, de nouvelles blessures. « Je croyais, ma toute belle, que vous aimiez la musique, lui disait Madame de Sennepar. Et vous aviez raison, j'en suis folle. C'est singulier, je ne vous vois jamais aux Italiens. Mon mari m'y a conduite 5 ou 6 fois cet hiver. »« 5 ou 6 fois? Vous n'avez donc pas de loge ?»« Mon Dieu, non. Mais à quoi songe-t-il cet étrange mari qui ne donne même pas à sa femme les objets de première nécessité ?» Et comme Mélanie, ne sachant trop que répondre, demeurait pensive et silencieuse, Madame de Sennepar ajoutait en lui serrant les mains. « Pauvre ami, je comprends. Croyez que je partage sincèrement vos chagrins. » Une autre fois, c'était Madame d'Arboville qui, en lui faisant observer que l'hiver touchait à sa fin, lui demandait si elle n'avait pas encore fixé l'époque de son grand bal. « Mon mari n'a point l'intention d'en donner, » répondit Mélanie. « Ah, votre mari vous séquestre ? Mais non, nous recevons toutes les semaines. J'entends quelques intimes de monsieur, une tasse de thé et des biscottes, ouverture du salon à 8 heures, retraite à minuit. » Rien de plus ravissant que ces réceptions hebdomadaires, genre tout à fait bourgeois et surtout très économique. Ah, ça, ma chère, quelle espèce d'ours est-ce donc que votre mari ? À une question ainsi posée, la réplique n'est si facile ni prompte. Pendant que Mélanie cherche ses mots, Madame d'Arboville abaisse sur elle un regard de profonde commisération et lui dit de sa voix la plus compatissante : Pauvre victime que je vous plains. Un jour, Mélanie va rendre visite à une de ses amies de pension qui vient d'épouser une fortune et un mari d'un chiffre et d'un âge également élevé. « Est-ce que tes cheveux sont malades ?» Telle est, après les premiers embrassements, la phrase par laquelle Madame d'Ermont, c'est le nom de l'ami, entame l'entretien. « Pourquoi ?» demande Mélanie, tout interdite. « Je me trompe fort si ce n'est toi que je viens de voir descendre d'une voiture de place devant ma porte. En effet, c'est moi. Peut-être ta voiture est-elle en réparation ?»« Ma chère amie, je n'ai ni chevaux ni voiture. »« Quoi ? Pas une calèche ? Pas une américaine ?» Ni américaine ni calèche. Pas même un cabriolet, pas même un cabriolet. Je me suis pourtant laissé dire que tu avais fait un bon mariage. Tu vois que je ne me plains pas, et que tu avais apporté à ton mari 100 000 francs de dot. C'est encore vrai. Et monsieur Darbois permet que tu exposes la fraîcheur de tes toilettes au contact d'une voiture de louage? Ah, que monsieur d'Ermont a une bien autre manière de voir et d'agir. J'ai 2 équipages sous la remise, et dans mon écurie 2 attelages de premier choix. Aussi ai-je une prière à t'adresser. « Fais avec moi dans le monde comme je faisais avec toi quand nous étions en pension. »« Je t'empruntais plumes et canifs. Emprunte-moi attelage et voiture. Cela nous procurera, à moi le plaisir de t'obliger, à toi la satisfaction de faire honte à ton mari. » Une autre de ses amies, la rencontrant au spectacle, lui dit « Tu as là une robe ravissante. Tu trouves ? Seulement, il paraît que tu n'es pas encore bien fixé sur le choix d'une garniture. Que veux-tu dire ? Dame, au bal de ton père, tu portais cette même robe semée de bouquets et de roses. » Au grand dîner de ton oncle, les roses avaient été remplacées par des nœuds de ruban ponceau, et ce soir les nœuds de ruban ont fait place à des ruches de tulle. Mélanie rougit et se hâta de tourner la conversation sur un autre sujet. On avait remarqué, malgré les variantes de la garniture, trouvées à grands frais d'imagination, qu'elle s'était montrée dans le monde 3 fois avec la même robe. Le meilleur caractère n'eût pu tenir contre des piqûres si souvent renouvelées. Mélanie rentrait chez elle triste et de mauvaise humeur. Ne trouvant rien de raisonnable à répondre aux questions affectueuses dont l'accablait son mari, elle gardait un silence maussade, ou courait s'enfermer dans son appartement pour y cacher ses pleurs et son dépit. Mais elle ne pouvait se cloîtrer éternellement. Il fallait bien se remontrer à table, et elle y paraissait avec les yeux abattus d'une personne qui vient de pleurer. Nouvelles instances de Charles. Paroles pleines d'amertume échappées à Mélanie. Charles, en bon mari, ne songe d'abord qu'à donner des consolations à sa femme. Bientôt il s'irrite de voir persister un chagrin auquel il ne peut remédier. Les explications deviennent de plus en plus orageuses. Les querelles s'enveniment. Les brouilles se prolongent. Mélanie finit par se persuader que ses bonnes amies ont raison, que son mari est un atroce tyran et qu'elle est la plus déplorable des victimes conjugales. Le moment où une femme arrive à cette persuasion est celui que guette une certaine classe d'individus qui font profession de sécher les larmes des belles affligées. Mélanie était d'une beauté trop remarquable pour que sa douleur eût passé inaperçue. Elle avait le cœur trop loyal pour supposer chez les autres la fourberie et la ruse. Elle se laissa prendre aux mielleuses paroles de ces êtres moitié renards, moitié vautours, et crut à la sincérité de leur compassion. Il y en eut un surtout qui se trouva le secret de capter sa confiance au point de lui rendre indispensable, en toute chose, ses conseils et ses exhortations. À partir de ce moment, Madame Darbois devint intraitable dans son intérieur. Il y avait donc état de guerre déclaré dans le ménage de Darbois. Mais la partie était loin d'être égale. Au lieu d'avoir à combattre un seul ennemi, ce qui est déjà beaucoup quand c'est une femme, Charles n'en avait pas moins de trois. Et il lui fallait journellement escarmoucher avec chacun. Le matin, c'était M. Beuvelet qui arrivait. « Mon gendre, j'ai deux mots à vous dire. Monsieur, je vous écoute. Mélanie est venue me voir hier. Elle avait les yeux rouges, mon gendre. « Je ne puis rien à cela, monsieur. Si fait, vous y pouvez quelque chose. »« Comment donc ? En ne la faisant pas pleurer, apparemment. Je vous jure. » S'il s'agissait de quelque sotte fantaisie, croyez que je serais le premier à rappeler votre femme à la raison. Mais les prescriptions d'un médecin sont sacrées, mon gendre, et je m'étonne que vous preniez de la santé de Mélanie aussi peu de soucis que vous le faites. Permettez, le médecin a ordonné à ma femme l'air de la campagne, c'est vrai. Mais si ma femme ne consent pas à l'aller respirer, est-ce à moi que vous devez vous en prendre ? Parbleu, vous refusez d'acheter pour elle, à cet effet, une toute petite maison admirablement située dans une vallée délicieuse. Cette toute petite maison coûte 40 000 francs et ne rapporte pas une obole. Elle vous rapportera la santé de votre femme, mon gendre. J'ai offert de louer un ravissant chalet, préférable sous tous les rapports à la propriété qui cause vos regrets. Louer, louer, quelle plaisanterie! Est-ce qu'on peut respirer l'air de la campagne dans une maison qui n'est pas à soi? Vous êtes homme de calcul, monsieur. Il doit vous paraître tout naturel que je fasse en sorte de proportionner ma dépense à mon revenu. Qu'est-ce à dire? Votre revenu est bien aussi celui de votre femme, je suppose, et je ne vous ai point compté une dot de 100 000 francs pour vous voir refuser le nécessaire à ma fille. Une telle conduite ne s'expliquerait que par une mauvaise administration, par quelque désordre secret. Jouriez-vous à la bourse, mon gendre? J'y veillerai, je vous en préviens, j'y veillerai. Le soir, c'était le tour de la belle-mère. Quel chagrin avez-vous donc causé à ma fille, monsieur? Je vous jure, madame, que j'ignore. Vous ignorez, mon Dieu, que les hommes sont faux. Eh bien, j'aborderai nettement la question. Vous ne prétendez pas sans doute qu'une jeune femme vive cloîtrée comme une religieuse? Rien n'est plus loin de ma pensée. Cependant, vous l'avez empêchée d'aller au bal de madame d'Herbigny. Au contraire, c'est elle qui a refusé de s'y rendre. Je le crois bien, après 2 années de ménage, pas un pauvre petit diamant. Les diamants n'ajouteraient rien à la beauté de Mélanie. Et d'ailleurs, je déclare qu'il m'est impossible. Faut-il donc que je lui donne les miens, monsieur? Vous lui donneriez les vôtres, madame, qu'elle ne les porterait pas. Voilà du nouveau, par exemple. Et qui donc s'opposerait à ce qu'elle les porta, monsieur? La raison, madame. Pour être mise en harmonie avec des diamants, la toilette de ma femme demanderait à être entièrement réformée. Le grand malheur! Vous lui faites endosser à cette pauvre enfant des toilettes d'une simplicité révoltante. Je puis vous prouver, pièces en main, que depuis le commencement de l'hiver, ces toilettes d'une simplicité révoltante me coûtent près de 1 500 francs. Me coûtent. Je trouve l'expression admirable. Il me semble que nous vous avons mis en position de faire figurer convenablement notre fille dans le monde. 100 000 francs de dot, c'est un joli denier, monsieur. Mais madame, prenez-y garde. Un homme qui se conduit comme vous le faites donne à penser que c'est pour procurer à d'autres le superflu qu'il prive sa femme du nécessaire. Il est inutile d'ajouter que monsieur et madame Beuvelet s'exprimaient avec leur fille dans un style et sur un ton tout à fait différent, d'où il résultait que les notes échangées par monsieur et par madame Darbois dans leurs explications conjugales devenaient de jour en jour plus aigres et plus discordantes. Autre conséquence inévitable, plus Mélanie se sentait soutenue et plus elle se mettait dans son tort, plus son tort était grand et plus grand lui paraissait son malheur. Avec le malheur croissait le besoin de pitié tendre et de douce consolation. Ces consolations, cette pitié, on allait, naïve colombe, les demander au vautour que vous savez, de sorte qu'un jour celui-ci crut le moment venu de risquer sa déclaration. Mélanie était une honnête femme. Elle n'eut point de transport d'indignation. Elle ne cria point à la vertu outragée. Elle ne fit point assaut de belles phrases avec le séducteur. Elle se contenta de lui montrer la porte. Puis elle courut chercher auprès de ses parents des témoignages d'une sympathie plus désintéressée. Elle trouva réunis dans le salon son père, sa mère et son mari. Charles est allé sur un guériton sans billet de 1 000 francs. Monsieur et madame Beuvelet le regardaient faire avec ébahissement. « Que signifie ceci ? » demanda le beau-père. « Cela signifie, répondit le gendre, que je me reconnais incapable de faire sortir de ce capital maison de ville et maison de campagne, domestique, voiture, chevaux, diamants, balles d'apparat, tableaux verts, etc. Je vous rapporte donc la dot de votre fille, 100 000 francs. La somme est entière, vous pouvez compter. J'ai apparemment l'intelligence très bornée, fit la belle-mère. Je ne puis saisir le but de cette étrange comédie. Rien de plus simple pourtant. Si vous voulez prendre la peine de réfléchir, que rendre la dot, c'est exprimer assez clairement l'intention de ne point garder... Il suffit, interrompit M. Beuvelet. La maison paternelle sera pour notre fille, en toutes circonstances, un asile où nous ferons en sorte de lui donner un bonheur qu'elle n'a point trouvé chez vous. Recevez donc mes adieux. Demain, je quitte Paris pour aller exercer à Limoges les modestes fonctions de substitut. Mélanie, jusque-là témoin muet de cette scène, fit alors quelques pas pour se rapprocher de son mari. « Tu quittes Paris ? » s'écria-t-elle, et saisissant la main de Charles. « À Limoges, poursuivit-elle d'une voix émue, c'est un monde nouveau, où je puis choisir ma place, sans avoir à lutter contre les humiliations, les suggestions perfides et les encouragements dangereux. C'est une vie nouvelle, où je n'aurai d'amis, de soutien, de conseiller que toi. Pardonne-moi, Charles, et permets-moi de te suivre à Limoges. » Pour toute réponse, Charles embrassa Mélanie. Mais en gardant la femme, il persista dans sa résolution de ne point garder la dot. Monsieur et Madame Beuvelet en sont encore aujourd'hui à comprendre le calcul de leur gendre.